Aquest programa es diu Oh La La Music. De vous imaginer. Un programa amb Rafael Corbí. Amour sans musique. Où nul ne peut chanter. Fini les romances. Rien que du silence. Oh La La Music amb Rafael Corbí. A partir d'aquests moments... El programa de música en francès per la vostra emissora que ens arriba ara mateix i que comença avui escoltant la bona música i els ritmes que ens porten en diferents artistes. Com sempre, un plaer acompanyar-vos durant aquests propers gairebé 60 minuts. En Chloé Saint-Marie, comencem en el programa d'avui amb la seva música i les seves bones, boníssimes vibracions. Les plaines brûlent. Mon cœur chavire, qu'il est amer parfois de vivre. Où est mon ami de cœur? Pourquoi ce feu, cette rancœur? Chamaï, chamaï, maudit chamaï, chamaï, chamaï, maudit chamaï. Est-il blessé, encore vivant, ou est-il mort? Les yeux crevés, la jambe perdue, ramenez-le-moi, mort ou crochu. La vie le brûle, mon cœur chavire, qu'il est amer. Thank you. Aquesta és la música que ens portava, que ens porta la Chloé Saint-Marie, aquesta intèrpreta tan excepcional que avui tenim el plaer d'escoltar entre nosaltres, actriu, cantant, activista i també doncs, una de les artistes més ben considerades del Quebec. Va néixer com a Marie Aline Joyal el 29 de maig de 1962 a Saint-Eugène de Grandram, al Quebec, al Canadà. I des d'aleshores doncs, que ha conquerit els cors de qualsevol... Sentit quina preciositat de veu que ens portava. A més, també canta o ha cantat amb el llenguatge innu, que és un dels llenguatges originaris d'aquella zona, d'aquella part de la Terra. L'hem escoltat amb una de les seves cançons, ho farem amb els propers minuts per gaudir d'aquestes brillants cançons que ens ha portat al llarg del temps. N'hem fet una selecció que comença amb aquest tema. T'he escrit per dir-te que... No ho sé. Qu'es-tu devenu toi comme hier? Moi j'ai noir éclaté dans la tête. J'ai froid dans la main, j'ai l'ennui comme un disque rengaine. J'ai peur d'aller seul, de disparaître demain. Sans ta vague à mon sans ta voix de mousse humide, c'est ma vie que j'ai mal et ton absence. Le temps saigne, quand donc aurai-je de tes nouvelles? Je t'écris pour te dire que je t'aime, que tout finira dans tes bras amarrés, que je t'attends dans la saison de nous deux. Qu'un jour mon cœur s'est perdu dans sa peine, que sans toi il ne reviendra pas. Je t'écris pour te dire que je t'aime, le cœur parti dans les yeux qui passent, le cœur parti. veux chanter sur le seuil des mémoires. Le mort d'aujourd'hui respire nos espaces oubliés. Pour ce rendez-vous de notre fin du monde, c'est avec toi que je veux chanter. Pour ce vie brisée et souvent pleurer, se sentir seul et délaissé. Mais pourquoi donc es-tu parti? Tu as cessé de m'appeler chérie. Toi qui souvent disais m'aimer, pourquoi as-tu quitté le foyer? Maintenant nous serons toute la vie l'exemple de la monotonie. Genial, aquesta primera part del nostre programa en Claude Saint-Marie i aquesta cançó que ens portava. Genial, com hem dit, perquè és interessantíssima la seva música. Però seguirem a les mateixes contrades, la mateixa música, o, com vulgueu dir-ne, doncs, artistes que tenen una presència musical excepcional, com és el cas del nostre proper convidat. Escoltarem a Daniel Lavoie, que ens porta també bona música, i també ho fa des del Canadà, però en aquest cas no des del Quebec, sinó des de Dongrea a Manitoba, on va néixer el 17 de març de 1949, Joseph Aubert Gérald Lavoie, que també ens acompanyarà des del Canadà, va debutar l'any 1970. Al llarg del temps també ens ha portat excel·lents cançons, i avui també en recordarem alguna a través del nostre espai. Des arts. Puis je chantais tout nu dans mon bain, ça c'était du sport. Je chantais pour du pain, je chantais pour de la bière, je chantais pour du vin, je chantais pour ma mère, je chantais mes peines d'amour à la radio. Tourne les pages, ton tour viendra bientôt. Garder les farces plates pour la danse du smat, la danse du smat. Ouais, j'ai joué du piano pour mes chums et puis les voisins, dans les bars, les bistrots, les bateaux, dans tous les raccoins. J'ai joué mes meilleurs tournes pour ceux qui hurlent à la lune, mes plus beaux accords pour améliorer mon sort. Un piano désaccordé, 25 pierres, j'ai joué du tango. Tourne les pages, ton tour Et gardez vos faces plates pour la danse de ce mat, la danse des culs de jatte. Finis plus de rajouter des heures. Tu aimerais appeler ta mère. Il ne te reste qu'une chose à faire. Quand la mort te fait trembler et son grand trou noir pour l'éternité, y a plus de Dieu, y a plus d'enfer. Il ne te reste qu'une chose à faire. Appelle Docteur Tendresse, il guérit presque tout. Il réconforte, il rassure les malades et même les fous. Dans ta trousse que des câlins, de la chaleur, presque du bonheur et des baumes anti-chagrin, anti-chagrin. Quand la vie te fait si mal que même la douleur devient banale, y a trop de nœuds dans tes viscères, il ne te reste qu'une chose à faire. Dans ses bras chauds et doucement juste ce qu'il faut. Docteur Tendresse te guérit de presque tout. Il réconforte et il rassure les malades et même les fous. Ah, Docteur Tendresse, dans ta trousse que des câlins, de la chaleur presque du bonheur et des paumes anti-chagrin, anti-chagrin. Sur les malades et même les fous. Ah, Docteur Tendresse, dans ta trousse que des câlins, de la chaleur, presque du bonheur et des beaux anti-chagrins, anti-chagrins. Un personatge que ens acompanya i que, sens dubte, val la pena descobrir una vegada i una altra a través del nostre espai, amb un Daniel, nascut, com hem dit, el 1949, un cantant, compositor canadenc, actor, productor, poeta, presentador de la ràdio i més conegut per una de les cançons que escoltarem també, el Saint-Man, i per el personatge de Frollo, en el musical Notre Dame de París. Els seus àlbums han estat realitzats al Canadà i a França, i també ha estat a Canadà i Europa on ha aconseguit el més gran èxit amb la seva discografia. És un artista que tant canta en anglès com en francès, ja que la seva família és part d'una petita comunitat que parla francès amb aquesta província de Manitoba, que és bàsicament de parla anglesa. Amb ell l'escoltem amb algunes de les cançons més conegudes de la seva carrera, sobretot aquestes tres, aquest Doctor d'Andresa, aquest Il Se Man i també Je Que Te Mourir, que també l'escoltarem a través del nostre programa. Y'a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui? Ils s'aiment comme des enfants, amour plein d'espoir, impatient. Et malgré les regards remplis de désespoir, malgré les statistiques, ils s'aiment comme des enfants. Enfants de la bombe, des catastrophes, de la menace qui gronde. Enfant du sinistre, armé jusqu'aux dents. Ils s'aiment comme des enfants, comme avant les menaces et les grands tourments. Et si tout doit sauter, s'écrouler sous nos pieds, du sinistre. J'ai quitté mon île quand on m'a envoyé. Je l'ai quitté tranquille, sans chanter ou pleurer. Un beau matin, vous verrez les voiles de mon voilier prendre le large vers les îles. J'ai quitté mon arbre, on est venu le j'ai trouvé les sables, rien n'y était plus semé. Un beau matin, vous verrez les voiles de mon voilier prendre le large. Terre, on a voulu l'acheter. On n'achète pas la terre. La terre, c'est moi et toi. Un beau matin, vous verrez les flammes de ma fusée. Prendre le ciel vers mon île. Així hem escoltat aquest personatge amb el nostre programa. Hem estat al Quebec sentint la música de tots ells, una manera excepcional d'escoltar i de portar-vos al nostre programa. És el moment de la col·laboració habitual dins el nostre espai de l'Àngel Rodríguez. A veure què ens porta avui. Benvingut, Àngel. Què tal, Rafael? Com estàs? La cantant d'avui va ser una de les grans nòvies de França. Nascuda l'any 1944 a París, va ser una musa per a molts, cantautora, actriu i model, fins i tot de Paco Rabanne. Es tracta de François Hardy. Us proposo d'ella la peça Où va la chance, editada l'any 1968, dedicada a les persones que necessiten una segona oportunitat, apta només per a romàntics. Je vois la prison, je vois la nuit, je vois le prisonnier qui pleure sa vie, et quelquefois jamais guéri. Esteu escoltant Ulala Music. Ulala Music, el programa de música en francès que ens acompanya i que ens aporta cançons tan fantàstiques com aquestes que hem escoltat al programa d'avui. No serà pas l'últim espai que dedicarem a artistes com aquests i, a més, amb d'altres, com Beltrán Ángel, que ens porta també la seva música amb l'espai d'avui. Entre les âmes. l'Àngel del Foc, aquesta festa tan interessantíssima que en celta, i d'això ens ha portat tantes històries, la festa de la passió i de la purificació, Beltane, així es diu per la tradició cristiana, l'1 de maig, el dia de Sant Josep Obrer, i els celtes festejaven Beltane, bon foc, en la llengua més irlandesa, més celta. I Beltane, així tal com sona Àngel, és el nom d'aquest grup que avui ens acompanya amb les seves cançons també, Oh La La Music. Souffle le vent au firmament de cette mélancolie où je m'enfuis solitaire, délétère. Ma main posée sur ton bras que tu ne vois pas. Recte final del nostre espai per aquesta setmana, ens queda una cançó que voldríem escoltar en la veu d'un artista com la Carole Masfort. Fa una sèrie de programes vam escoltar la seva música i ens ha arribat més interès per escoltar-ne d'altres. Per tant, si m'ho permeteu, avui tancarem l'edició de Oh La La Music amb una de les seves interpretacions. És aquesta cançó que es diu Oh Park i amb ella m'acomiado. Salutacions de Rafael Corbí. Fins a la propera ocasió a Oh La La Music. Sont seuls au parc. fait pas beau. Toi tu me fais sourire, la tête au vent sourit. Mais comment te dire que mon cœur tape trop. Sous l'arche, je suis venue trop tôt. Je te cherche une écharpe, un manteau. Ça te ferait sourire dans le métro sourire. J'aimerais trop te dire que mon cœur tape tant. Que toi, tu me plais, tu me plais, tu me plais. Que toi, tu me plais, tu me plais, tu me plais. Regarde comme les gens sont forts. Ils portent toute leur vie sur leur corps. Tu me fais courir, marcher, voler, rougir. Vois-t-on sur mon sourire que mon cœur tape fort. Que toi, tu me plais, tu me plais, tu me plais. Que toi, tu me plais, tu me plais, tu me plais. Que toi, tu me plais, tu me plais, tu me plais. Tu me plais, tu me plais, tu me plais. De toi, j'aimerais un signe, une faille infime. Chez toi, tout semble si simple, si calme, si paisible. Pas sûr, et je me fais sourire. C'est pas ta faute sourire. Dois-je vraiment te dire comment tape mon cœur? Que toi, tu me plais, tu me plais, tu me plais. Que toi, tu me plais, tu me plais, tu me plais. Que toi, tu me plais, tu me plais, tu me plais. Tu me plais, tu me plais, tu me plais.